10. Les bijoux d'Ondine. Il revint en effet. Bientôt, il manqua rarement une leçon de M. Léonard, et parut regretter de ne l'avoir pas connu lors de son premier voyage à Paris, car il savait un peu déjà ce Paris qu'il aimait et haïssait tour à tour avec une égale passion, et où il était ramené, selon lui, par l'ascendant de sa destinée. « Et vous, mademoiselle, c'est le hasard, n'est-ce pas ? Ce n'est point par goût ?»« Oh non, ajoutait-il en rêvant sur lui-même, vous ne devez pas aimer Paris, vous. » Une autre fois, il rêvait encore, et lui dit, « Si vous aviez une mère au fond de votre province et qu'elle vous appela, vous iriez, j'en suis sûr. Reprochez-moi donc de laisser pleurer ma mère et de faire semblant de ne pas l'entendre. » Il y avait dans la voix de ce jeune homme, dans ses paroles imprévues et sérieuses, au milieu des éclats de rire des autres, dans son hésitation même à les prononcer, quelque chose de pénétrant et de confidentiel, qui donnait de l'intérêt à tout. Ondine, étonnée, baissait la tête sans lui répondre, et lui ne semblait jamais attendre qu'elle lui répondît. Il faut le dire, 2 mois étaient à peine écoulés depuis sa dernière visite, qu'en écoutant avec surprise ses paroles brèves et accentuées, ses yeux également parlants, qu'il plongeait devant lui comme s'il les plongeait dans l'avenir, et toute cette figure, révéleuse à son insu d'une préoccupation profonde qu'il croyait cachée. Ondine sentit une fois passées sur son cœur ces paroles qu'elle avait entendues et oubliées. « Il faut aimer ou mourir. »« Et si on l'aimait ? » répondit-elle vaguement à elle-même. « Oh, comme on l'aimerait !» Elle ne faisait alors qu'attendre avec une sorte d'oppression les jours où elle était bien sûre de le voir. Un de ces jours, il ne vint pas. Personne ne s'en aperçut autour d'elle. Ils étaient là, tous réunis au travail, comme autrefois. « Il ne vient personne aujourd'hui, dit-elle, et toujours elle croyait que l'on frappait. » Elle sentit qu'il y avait pourtant bien du monde autour d'elle, dont le bruit l'empêchait d'écouter. Il vint seul le lendemain, jour de repos, de congé et de fête. Par un contraste, elle trouva l'atelier tout rempli. Elle ne s'aperçut pas que rien y manqua, et n'écouta plus si l'on frappait au dehors. Elle s'imagina même qu'il lui disait une chose d'une grande valeur, lorsqu'après un quart d'heure de silence et d'étude, il lui demanda poliment « Comment vous portez-vous » « Bien, répondit-elle toute guérie. « Ah, tant mieux, répliqua-t-il avec sa préoccupation. Et Paris et l'univers furent remis en place pour Ondine. « Monsieur, dit M. Léonard, en le voyant au travail, à peu de distance de sa nièce, surveillez cette demoiselle, je vous prie, et jetez de temps en temps les yeux sur sa peinture. Vos conseils ne lui seront pas inutiles. Vous avez encore un peu de soleil d'Italie dans les yeux. Je ne suis pas du tout content de ces ombres, et c'est à quoi vous réussissez bien. » Yorick jeta les yeux sur la toile et parut l'observer longtemps, car il ne parlait pas plus que la petite artiste. C'était l'esquisse arrêtée dont M. Léonard avait dit du bien à la sœur d'Ondine. Elle sortait alors des brouillards qui l'avaient enveloppée, et toute la pensée en était distincte. Des jeunes filles, encore dans l'enfance, vêtues de blanc, couronnées de saules et d'églantines, tenaient les 4 coins d'un voile où flottait le cercueil d'un autre enfant, plus petit qu'elle. L'air était plein de chaleur, et ce gracieux convoi suivait le sentier blanc formé au milieu d'un champ de blé, de lin et de fleurs, terminé par la chapelle ouverte et ombragée de lierre. « Mademoiselle n'avancera pas, dit-il enfin, en choisissant un guide presque aveugle. « Je ne choisis pas, monsieur, dit-elle, contente. J'obéis. « Cette petite main, s'écria-t-il tout à coup, est charmante, en vérité, d'une belle couleur et d'une pureté de forme. » « La main de cette demoiselle, dit M. Léonard, je lui permets de le croire encore quelque temps, afin de l'engager à me la prêter pour modèle, après quoi je lui conseille de l'oublier. » Yorick alors détourna les yeux du tableau pour regarder la main d'Ondine, qu'il n'avait pas remarquée encore. « La vôtre est bien aussi, dit-il, mais pourquoi la gâtez-vous par toutes ces bagues inutiles, moins ornées, elle serait plus belle ?»« Bravo, s'écria M. Léonard, excellente et courageuse observation, ces femmes. » Elles veulent être artistes, et ne sentent pas le simple. Elles ont une peur du sévère, c'est-à-dire du vrai, comme s'il y avait quelque chose de plus beau que le vrai. Il leur faut des bagues, des colliers, des broderies, qu'elles fourrent partout. Je vous laisse à juger, monsieur. Des phalanges entières dérobées sous de grosses vilaines pierres, qui sont de l'effet le plus terne et le plus disgracieux en peinture. Je me moque bien d'un diamant, moi, fallut-il 100 000 francs, s'il me rompt une ligne ou un contour admirable. Voit-on une seule statue antique enlaidie de toute cette boutique d'orfèvrerie dont les demoiselles sont folles ? Pas une, répondit Yorick distrait. Ondine ôta ses bagues sans rien dire. Le jeune homme la regarda avec un mélange d'étonnement et d'intérêt. Puis il retomba bientôt dans sa préoccupation habituelle et devint presque triste. Monsieur Léonard, qui n'était pas attentif qu'à l'action de sa nièce, s'approcha d'elle et lui frappa doucement sur l'épaule. « Ce que vous venez de faire là est très bien, Ondine. D'autant mieux, monsieur, que ce n'est point vanité de sa part. Ces grosses bagues ne sont ses inséparables que parce qu'elles viennent les unes de sa mère, ce dont on peut juger par leur forme passée de mode, et cette autre énorme, moins moderne encore, de son bon père, dont elle honore le souvenir en gardant, avec amour, le peu qui lui reste de lui. Vous voyez que je ne dois pas être mécontent de sa docilité à nos conseils. On finit toujours par l'aimer mieux, après qu'on l'a un peu grondé. » Les yeux d'Ondine pétillaient de larmes et de joie. « Mais ce n'est pas grondé, cela n'est-il pas vrai, mon oncle ? C'est corrigé en ami. » Il y avait quelque chose de si caressant dans cette voix soumise qu'elle passa dans la rêverie d'Yorick et qu'il revint à lui-même, comme heureux de sortir d'un recueillement pénible. Il se mit à dessiner près d'elle. Tout à coup, il jeta ses crayons sur la table et se leva. « Déjà ? S'écria la jeune fille, sans savoir qu'elle parlait. « J'entends une compagnie joyeuse qui monte bruyamment, dit-il, et je ne sais. Je suis mal avec le bruit, le travail me déplaît, et la gaieté davantage encore. » Ondine n'avait rien entendu. Il prit ses gants et son chapeau avec tant de hâte qu'il était déjà loin quand une dame élégante et parfumée entra, riant comme une folle, secouant la poussière et la chaux dont ses jolis souliers lilas étaient couverts, et s'appuyant sur l'épaule de Monsieur Barbier, qui en sa qualité de bossu portait cette épaule juste à la hauteur du cou de blanc et rond, que laissait à découvert un gant long, lisse et glissé jusqu'au milieu du bras, de cette petite déesse de la mode.